Assez bavardé, il est temps de s'y mettre. Mais là, une minute. Qui a pas craché? Monsieur Pink. Monsieur Pink? Pourquoi? Il donne rien. Il donne pas de pourliche? Comment ça, tu donnes pas? Il trouve ça choquant. La ferme. Comment ça, tu trouves ça choquant? Allez, allons, Jean Dollar, sale petit rapide. Dîner de son épisode 2, la blase curose, t'es clinical. On t'invite à notre table, mec, c'est Pierrot qui régale. On met les petits plats dans les grands. N'est-ce pas qu'on vit à kicker ça? Passe ta carte, la rage au ventre, on est venu kicker ça. La sauce de fin gourmet dans ce resto sans étoiles. Mais apprécie la cuisine et les moments de partage. On est venu grailler la pointe, on fera pas de doggy bag. On va vider la chambre folle, se péter le bide à base de bons rats. L'addition est salée, et je parle pas du pourboire. Le déplacement valait la peine, on ouvre les vannes du piano à gaz. La fin du service et la vaisselle centre. On était là pour parler son, tout en préparant ce casse. On est venu briser la glace, mais par instinct primitif. Monsieur Pink n'est qu'une merde, et on sait causera la chute. La fille est une garce, mais souvent bonne compagnie. La serveuse nous débarrasse, c'est le moment de payer le pourliche. À vous le ton de l'art, mec. Le pourliche? Ça non, j'y crois pas. T'y crois pas? Pas au pourboire. Tu sais ce qu'elle gagne, ces filles? Des clopinettes. On déconne pas, si elle gagne pas assez de pognon qu'elle se barre. Mais elle est gentille, celle-là. Ah ouais, elle est très bien, mais elle a rien fait de spécial. Mais c'est quoi le spécial? C'est quand la fille te fait une turlute? Je donnerais plus que 10% pour ça. Vas-y Pierrot, resserre-nous un apéro. 2-3 cents d'opéra, de quoi faire un bon peura. Peu d'inspi, quand mon alcoolémie est à zéro. 2 croissants à féca me suffisent pour un bon repas. J'aimais trop occuper, donc pas de plat de résistance. L'appétit hésitant, le menu sera pansitant. Une serveuse excitante suffirait à mon festin. Un peu de sauce piquante pour aviver les intestins. Peu importe la recette, tout me laisse un goût amer. J'ai plus de palais salaire, pour l'addition pas de salaire. Tu ris dans la salière, il paraît que j'ai un beau grain dans la voix. J'suis papa, mon anti pop c'est un bavoir, un digestif à la poire pour rentrer en zigzagant. Peut-être que les flics m'attendent, mais faut que j'embrasse mes filles à temps. J'ai un coup de fil à temps, la technique du crevard. Le premier qui se barre afin d'esquiver le pourboire. Écoute, j'ai commandé du café, d'accord? Eh ben on est là depuis 2 heures, mais elles m'en a resservi que 3 fois. Et le matin, le café, j'en veux 6 tasses au moins. 6 tasses, merde, tu charries là, elle a trop de boulot. Cette expression trop de boulot, un loufia devrait la bannir de son vocabulaire. Quand je grattais au minimum garanti, le genre de travail que j'avais me donnait pas le droit à un pourliche à la con. Tu sais ce que c'est? C'est un petit violon pour faire mouiller les serveuses de dans restaurant. Mon assiette, y'a plein de saveurs toutes simples et sans excès de sel. Et à chaque fois que je la savoure, j'ai l'impression qu'il manque une pincée de sel. Alors au détriment, du coup j'y rajoute des piments. Du coup je m'arrache la gueule et le résultat n'est que déprimant. Mais c'est seulement d'y goûter, cède à la tentation. Même si l'assaisonnement est moins réussi que la présentation. Je souhaite quand même un très bon appétit, soyons. Sincère, c'est pas très bon, mais je t'ai fait ça aux petits oignons, tu sais. J'ai mis les petits plats dans l'écran, alors finis l'assiette. Tu me diras, y'a plein d'ingrédients, mais j'ai perdu la recette. Alors j'improvise et je fais tous les efforts du monde à l'évidence. J'ai pas l'étoffe d'un chef étoilé, mais la cuisine n'est pas le problème de façon. En vrai, je vis la plus belle des symphonies, mais le pianiste a des mains de maçon. Moi j'ai une femme, des proches et quelques sous en poche. Je pourrais kiffer le repas, lâcher un petit pourliche, mais au fond, je m'en empêche. Désolé qu'elles aient des impôts sur leur pourboire, c'est dégueulasse, mais c'est pas ma faute. Apparemment, elles entrent dans un de ces nombreux groupes que l'État baise sans aucun scrupule. Eh ben, si on lance une pétition pour protester contre les méthodes de l'État, je la signe. S'il faut qu'on vote, je voterai pour, mais qu'on me force pas la main. Et sur cette histoire qu'elles ont pas fait d'études, moi, j'ai une seule chose à dire. C'est pétasse qu'elles apprennent à taper à la machine, mais qu'on compte pas sur moi pour payer leur putain de loyer. Donne un pourliche à la serveuse, mon frère, et ferme ta gueule. Salam à la boussole, j'ai remercié pour le bête d'accueil. Je suis qu'un loup affamé, donne-moi de la chair, saignant, touche pète des cartes. Je vois que des chiennes aboyer entre eux et nous, y'a pète des cartes. C'est moi qui invite, je fais un billet avec la pète de frappe. J'sais que faire du match, j'espère qu'un jour je trouverai une bête de femme. Envoie un plat et 10 bouteilles, garçon, que je me pète le crâne. J'ai besoin de digérer dans le doré, fini, rajoute quelques grammes. Le pète au bec, je rappe mon art, ils me diront que j'ai un pète au casse, 31 piges. Pour être heureux, je me dis que c'est peut-être trop tard. Si tu m'entends plus, c'est que je suis peut-être mort ou que je suis peut-être au star. Je prends une avance dans le game, je perche les baisers, je me pète au part. Y'en a qui finissent au parlu parce qu'on a qu'aime trop parler. Je m'en fume comme un rasta, je prône pas la paix comme Bombarlé. Ramène toutes tes MC de merde, je les désintègre au dessert. J'ai arrêté de croire que je trouverai mon oasis dans le désert. Je t'ai payé ton petit déjeuner. D'accord, t'as payé le petit déj, je marche. Mais normalement, je refuserais. Ah ben, ton normalement, il n'intéresse personne. Tu craches ton dollar et puis t'arrêtes de me les rider. Merci.